Déraciné par Jean Rebrard. Vous allez donc nous quitter, monsieur Lanquet ? Eh oui, à mon âge, n'est-ce pas ? Sans doute, vous ne pouvez pas rester tout seul. Vous avez de bons enfants, il faut en profiter. Ces paroles, depuis 8 jours que monsieur Lanquet avait pris la résolution de se retirer à Paris près de sa fille Louise et de son gendre de Rolle, il les entendait tomber de la bouche des voisins, des amis. On les lui répétait sur le mail, pendant ses courtes promenades au bureau de tabac. Chez les fournisseurs où il aimait à payer lui-même ses petites notes, avec une ponctualité d'ancien commerçant. Et cette approbation l'encourageait, l'aidait à rompre les dernières attaches qui le retenaient au pays, à la maison familière, à la vieille bonne grondeuse, au cimetière où dormait sa femme. Il en était réconforté, prenait conscience de faire preuve de jugement et de raison. Outre les soins qui pouvaient lui devenir nécessaires, il y avait tant de mauvais gars par les chemins. Puis, une tendresse aussi, avec le déclin de l'âge, allait s'avivant en lui pour ses petits-enfants, Simone et Marthe, qu'à peine ne voyait-il une 15aine de jours tous les ans, quand la morte saison permettait à Louise et à Derolle de quitter un moment leur maison de confection. Ce fut Louise qui vint chercher son père, la vente de la maison et des meubles ayant été remise à plus tard, afin que Derolle pût s'en occuper. Les derniers préparatifs s'achevèrent comme dans un rêve, et le même rêve emporta Lanquet dans le train, le déposa à Paris, dans le coquet appartement où son gendre l'attendait. Derolle était cordial et affectueux. Simone et Marthe grandies, avec leurs yeux rieurs et leurs bouches blondes, ravirent le grand-père. Et la table, pour fêter son arrivée, fut somptueuse et délicate. Il y eut au dessert, devant une coupe de champagne, un attendrissement de braves gens qu'unit, dans une ferme volonté de bonheur, une commune et sincère affection. Si j'avais su, à voix Lanquet. Et son rire ému, son hochement de tête, disait le regret des joies perdues, des années tristes, où il s'obstinait à demeurer seul là-bas, dans la maison vide. Pendant une semaine, on ne s'occupa que du grand-père. Lanquet en était confus. Il s'en défendait, exigeait qu'on ne changeât rien aux habitudes. Il savait ce que c'était que le commerce. Les affaires étaient les affaires. Puis la vie se tassa. Derolle et Louise retournèrent au magasin, tandis que Lanquet s'intéressait au mouvement du quartier. Ses promenades par les rues l'émerveillèrent. Ah, ce Paris, quelle ville ! Il se sentait vivre à nouveau, plus vite, dans une fièvre, étonné pourtant de ne jamais rencontrer au milieu de toutes ces foules un visage de connaissance. Avec octobre, Lanquet éprouva un chagrin, quand les écoles reprirent les enfants. Mais il se créa un plaisir en conduisant lui-même en classe Marthe et Simone, et en allant ensuite les chercher. C'était pour elle l'occasion d'une débauche de friandises. Mais, dans l'intervalle, Lanquet demeurait désemparé. Lorsqu'il entrait au magasin, des clients le remplissaient et il se retirait de peur de gêner. Il s'aventurait alors sur les boulevards, mais inquiet devant la traversée des carrefours, effaré par les tramways, terrifié par les automobiles, il se hâtait de regagner sa rue, la tête fatiguée, hanté ensuite jusqu'au milieu de ses sommeils par le souvenir des accidents qu'il lisait dans les journaux. L'hiver venu, Lanquet se découragea de sortir, demeura fermé dans l'appartement qu'attristait la chute rapide des soirs. Mais sa présence dérangeait la bonne. Celle-ci, qui jadis avait ses journées libres, se montra maussade, fut insolente. Louise gronda la fille, mais n'osa la renvoyer. On avait tant de mal à Paris pour trouver des bonnes. Une autre serait peut-être pire. Elle n'avait pas le temps, d'ailleurs, avec son magasin. Lanquet n'insista pas. Il sentit seulement qu'il n'était pas le maître, qu'il n'était plus chez lui. Il se consola en songeant qu'il prenait sa part des dépenses du ménage. Par là, il était encore quelqu'un. Et la question de ses rentes qu'il leur laisserait un jour contribuait à le raffermir. Le soir, parfois, quelques amis montaient. Lanquet s'efforçait de plaire, et les compliments qu'on lui rendait lui agréaient. Mais il n'y avait là qu'une courtoisie de surface. Il était trop âgé pour se lier à nouveau. Rien de sa vie n'intéressait personne. Et l'on parlait devant lui de choses qu'il ignorait, qu'il eût été trop long de lui expliquer. Dès qu'on lui avait demandé, sans attendre la réponse, des nouvelles de sa santé, on l'oubliait. Et ce que l'étonnait et le peinait davantage était qu'on oubliait jusqu'à son nom. Il n'était plus M. Lanquet. Il était le père, ou le beau-père, un personnage anonyme. il se lassa de ses sourires indulgents, qui se perdaient dans le vide et se retira de bonne heure. Il se sentait passer à l'état d'un vieux meuble, respecté mais inutile, presque encombrant. Alors, dans l'appartement coquet, devant le poêle élégant, Lanquet commença à regretter l'éclair flambé du bois dans l'âtre, les cendres où l'on secoue sa pipe sans crainte de salir. Le gaz lui fatigua les yeux, les étages lui rompirent les jambes. De muettes rancunes, peu à peu, le poussèrent à se dérober aux soins qu'on lui prodiguait, à décliner les prévenances. Il s'évertua à se passer de la bonne. Il affirmait ne manquer de rien. Mais il se persuadait de plus en plus, avec une joie amère, qu'il manquait de tout. Il se renferma dans de longs mutismes, rêva, des heures, sa pipe éteinte au fond d'un fauteuil. Et il ne vivait plus là, déjà. Il vivait au pays, dans la petite ville aux rues calmes, où chacun l'appelait par son nom et savait le chiffre de ses rentes, dans la petite maison où naguère il jardinait et regardait pousser sa vigne entre deux tours sur le Mail. Lorsqu'il s'éveillait de ses songeries, Lanquet retrouvait plus effarante l'angoisse de ce grand Paris, et il demeurait inconnu, comme submergé. Une tristesse d'exil pesait sur lui, de jour en jour plus lourde, bientôt intolérable. Il dissimulait cependant, intimidé à la pensée de chagriner Louise. Mais peu à peu, des paroles lui échappèrent ou perçaient son secret désir. Il parlait de son jardin inculte, d'objets oubliés dans une armoire, dont son esprit était tourmenté. Puis, comme de Rôle songeait, le printemps venu, aller vendre les meubles et s'occuper de la maison, Lanquet, pris de peur, lâcha la vérité. Il voulait retourner là-bas. Les deux Rôles, ne comprenant pas, furent atterrés. Cette résolution leur semblait de l'ingratitude. Ils redoutaient aussi l'opinion du pays. Une gêne pesa tout le jour. Puis, ils se résignèrent. Lanquet, d'ailleurs, allégé, ne tenait plus en place, redevenu gai. Il pressa les préparatifs et le voyage eut des allures de fuite. « Eh bien, monsieur Lanquet, vous voilà donc de retour ?»« Eh oui, que voulez-vous, à mon âge ?»« sans doute on a ses habitudes. » Et dans ses promenades par la petite ville, monsieur Lanquet, rajeuni, écoutait avec joie le son clair de sa canne sur le pavé. Le voyage à Paris lui faisait une petite gloire. Les jours passés près de ses enfants lui laissaient, à distance, un souvenir reconnaissant. Et tandis qu'il regardait pousser les raisins, il songeait aux vacances où, comme autrefois, Marthe et Simone, grandies, les mangeraient à pleines mains avec de jolis rires. C'était Déraciné par Jean Rébrard.